Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a adressé le 25 octobre de l'an 105 du Juche 2016 une lettre de portée historique. « Devoir de la classe ouvrière Kim Il-sung, Kim Jong-il à l'époque actuelle et tâche des organisations syndicales aux participants à la 7e conférence de la Fédération Générale des Syndicats de Corée. » En voici le résumé. En soutenant haut le programme grandiose avancé par le 7e congrès du Parti du Travail de Corée, tout le parti, toute l'armée et tout le peuple livrent une offensive générale pour hâter la victoire finale dans l'édification d'une puissance socialiste. À cette époque marquée de l'essor révolutionnaire, se tient la 7e conférence de la Fédération Générale des Syndicats de Corée. Cette conférence constituera une occasion historique de manifester dans le monde entier la force de l'unité et l'esprit d'invincibilité de la classe ouvrière étroitement unie autour du parti, et de rehausser davantage la fonction et la combativité des structures de la Fédération des Syndicats pour mobiliser la classe ouvrière et tous les syndiqués à la marche Malima de la nouvelle époque. La Fédération Générale des Syndicats de Corée est l'organisation politique des ouvriers fidèles au parti, fondée et développée grâce à la direction dynamique et à la grande confiance des grands leaders, et la troupe de combat puissante pour l'œuvre révolutionnaire Juche. La classe ouvrière et la Fédération des Syndicats ont surmonté à la tête de dures épreuves et difficultés avec la confiance absolue et l'obligation révolutionnaire envers les grands leaders et sont restés fidèles au parti et aux leaders. À l'heure actuelle, notre peuple s'est engagé avec vigueur dans l'édification d'une puissance socialiste suivant la ligne de transformation de toute la société selon le Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme, précisé par le 7e congrès historique du Parti du Travail de Corée. Dans l'actuelle marche générale de tout le peuple, la classe ouvrière forte de l'esprit révolutionnaire et du militantisme, et ayant la créativité inépuisable, se doit de jouer le rôle de guide et de pionnier. Notre parti a honoré la classe ouvrière de Corée qui a soutenu fidèlement la pensée et la direction des grands leaders du titre honorable « Héroïque classe ouvrière Kim Il-sung, Kim Jong-il ». Pour faire progresser l'édification d'une puissance socialiste, l'héroïque classe ouvrière Kim Il-sung, Kim Jong-il doit porter le drapeau de la transformation de toute la société selon le Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme, pour servir de locomotive qui guide à la tête les rangs en marche générale et d'exemple de la société. Pour remplir tout son devoir sacré assigné devant l'époque, la classe ouvrière doit améliorer décisivement le travail de la Fédération des syndicats. La transformation de toute la fédération selon le Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme doit être la tâche de lutte globale de la Fédération générale des syndicats de Corée. La fédération est tenue d'implanter plus parfaitement le système de direction unique du parti. Il faut renforcer la direction de la vie idéologique et organisationnelle pour former tous les syndiqués en authentiques Kim Il-sungistes, Kim Jong-ilistes. La classe ouvrière et les syndiqués doivent être mobilisés avec force dans l'édification d'une puissance socialiste, et l'édification d'une puissance socialiste doit être basée sur la primauté de la capacité de se renforcer soi-même. Il convient aux structures de la Fédération des syndicats de normaliser les activités sportives, culturelles et artistiques au sein des ouvriers et des syndiqués et s'attaquer à l'assainissement de lieux de travail et de la vie pour créer une culture nouvelle de la classe ouvrière et animer la société pour un plein essor. En réponse à la demande de la réalité où l'édification d'une puissance socialiste est à une nouvelle étape supérieure, les structures de la Fédération des syndicats doivent organiser activement des mouvements de masse pour l'émulation socialiste, l'innovation technique, l'entretien des machines à l'exemple du tour numéro 26, la contribution à la prospérité nationale et autres, pour amener les ouvriers et les syndiqués à donner toute leur ardeur et toute leur intelligence à l'édification socialiste. Militer pour la réunification indépendante de la patrie et l'émancipation du monde est une tâche importante de la classe ouvrière et de la Fédération des syndicats. Pour accomplir avec succès ces tâches, la Fédération est tenue de renforcer ses structures de tout échelon et rehausser leurs fonctions et leur rôle. Les organisations de partis sont invitées à bien aider la Fédération en prêtant l'attention à son travail. Pour terminer, le camarade Kim Jong-un a exprimé sa certitude que toute la classe ouvrière, tous les syndiqués et toutes les structures de la Fédération des syndicats rempliront à merveille leur mission sacrée assignée devant la patrie et la révolution en soutenant le noble dessein des grands leaders pour manifester sans réserve l'esprit héroïque de la classe ouvrière Kim Il-sung, Kim Jong-il et contribuer activement à hâter la victoire finale de l'édification d'une puissance socialiste.